Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission El Banger, le rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en différé. Cette nouvelle émission intègre une rafale de nouveautés, que de la grosse frappe. Severe Torture, Ulcerate, Death, Candy, Extinguish, Incipient Chaos, Deviant, la scène internationale et la scène française au top du top. Que de la violence et des choses ultra cool à s'écouter. Première doublette en ouverture de l'émission de ce soir, clairement à l'image de ce qui va découler pendant deux heures, Knock Loose et Severe Torture. Tout d'abord, Knock Loose, cette jeune formation américaine qui nous vient du Kentucky, qui nous fait un des meilleurs hardcore qui soit à l'heure actuelle. Nous sort son troisième album studio, faisant suite au monstrueux EP A Tear in the Fabric of Life, qui était sorti en 2021. Un 10 titres qui va toujours chercher dans des ambiances hardcore, metalcore, sludgy et surtout beatdown. C'est toujours aussi colère. Les feats sont absolument improbables et d'une très très grande qualité. Knock Loose, ça fait partie des clairement toutes meilleures sorties hardcore de ce premier semestre 2024. En doublette, 14 ans que la formation hollandaise n'avait rien sorti. Severe Torture, 6e album studio. On a juste eu un petit EP en 2022, là on est sur 10 morceaux de 40 minutes de leur recette toujours aussi brutale, groovy. C'est peut-être un tout petit peu moins sale qu'avant, ça reste cependant ultra solide et on n'est toujours pas tombé dans le death surproduit. Knock Loose, le titre Slaughterhouse 2 featuring Krish de Motionless in White, cet album You Won't Go Before You're Supposed To. Severe Torture, Marked by Blood and Darkness, extra album Torn from the Jaws of Death. Et au passage, c'est une sortie sur label français, Season of Mist. Bienvenue à toutes et à tous dans l'émission, c'est parti. Yeah. Doublette suivante, World of Rife et Contention. Là, on n'est pas sur de la nouveauté. World of Rife, c'est du black, ça nous vient de Norvège, c'est actif depuis une dizaine d'années. C'est le quatrième album studio qui vient de voir le jour. 6 titres pour 50 minutes d'un black typiquement norvégien, c'est cru, c'est intense, quelques passages un peu plus atmosphérico-hypnotiques. On est clairement dans la tradition de la scène norvégienne et des gros noms à la sauce Tauke Jevel. La tête pensante au passage de World of Rife est d'ailleurs l'un des fondateurs de Kippokafsin en 1995, c'était le batteur à l'époque, et il a notamment tapé du côté de Gorgoroth en session live. World of Rife, c'est ultra riche, et ça fait partie des formations majeures de ces dernières années sur la scène black norvégienne. En doublette, retour aux États-Unis avec le groupe de straight edge metal hardcore qui nous vient de Tampa, Contention, qui vient de sortir là son premier album studio après quelques EP. Une signature chez Days Record au passage, 10 titres pour 20 minutes d'un hardcore straight edge ultra colérique, viscéral. Et voilà, vous aimez X Repentance X, vous adorerez Contention. Clairement, voilà. L'incluse, c'est les têtes d'affiche. Contention, ça fait partie des outsiders qui défoncent à l'heure actuelle sur la scène hardcore internationale. Au niveau des morceaux choisis, on va s'envoyer World of Rife, Phantom Sword, extrait d'album Denvrichte Mecht, ECBM, extrait de Artillery from Heaven, signé Contention. C'est parti. in humanity will find no humanity here. No, sir. No, sir. Did you ever wish you would die? No. It's foolish to ask for luxuries in times like these. Troisième doublette dans l'émission Le Bangueur de ce soir, une des formations qui nous va mettre un petit peu de respirer dans cette avalanche d'extrême pour l'émission de ce soir, Ten Ton Slugs. Une des justifications de se dire que des fois faire du clic-clic-clic sur YouTube c'est plutôt pas mal, parce que c'est clairement en passant d'un groupe à l'autre, d'une suggestion à l'autre, d'un lien à un autre, que je suis arrivé à découvrir Ten Ton Slugs, groupe de Stoner Sludge qui nous vient d'Irlande, actif depuis une dizaine d'années. Ils sortent là leur premier album studio après deux EP. 40 minutes d'une recette lourde, poisseuse et en même temps ultra groovy, avec des intonations qui vont du death metal au néo-metal. Oui, oui, le néo-metal par le biais du power death, power groove américain. On a Carl Willette qui vient pousser la chansonnette en feat sur un des morceaux. Et en doublette avec Ten Ton Slugs, on retrouvera Pathology, le groupe de Brutal Death qui nous vient de Californie. C'est le 12e effort studio qui vient de sortir, à peine 20 ans d'existence. Le groupe a eu un focus dans la dernière émission en direct. Très très très prolifique, et là on est vraiment sur un retour en très très haute qualité, en très gamme d'albums. 40 minutes d'un brutal death qui tartine comme il faut, des mecs ultra expérimentés, gros line-up, aucun morceau dépasse les 4 minutes, c'est concis, frontal et hyper efficace, ce que nous propose Pathology sur ce 12e effort studio. Ten Ton Slugs, extrait de l'album Colossal Oppressor, on s'écoutera le morceau Malacht Ansloda. Pathology, Malevolent Parasite, extrait de l'album Unholy Descent. C'est parti. We'll be right back. La doublette suivante parlera de bonbons et d'ulcères. C'est surtout une doublette de nouveautés. Candy Ulcerate, deux énormes sorties de cette fin de printemps. Candy, tout d'abord, le groupe qui nous vient de Virginie, actif depuis une presque dizaine d'années, vient de sortir son troisième effort studio. On est sur un 12 titres qui font entre 1 et 3 minutes. Des compos brèves, radicales, frontales. Cependant, la recette du groupe évolue encore d'un cran sur cet album, ce qu'on est sur une évolution bien éclectique et parfois même déroutante, surprenante. Une base hardcore metal ultra vénère, hein, limite du côté du chaotique hardcore, et un chant vraiment crado à la sauce Life Sick. Et par-dessus toute cette base bien lourde, on a des éléments indus, électro, new metal. On écoute le truc, on fait putain, je suis en train d'écouter Sturd et en même temps Slipknot, absolument incroyable. On a même des vibes un peu plus mélodiques, un ensemble extrêmement riche qui comporte son lot de surprises et ce qui va vraiment enrichir la musique de Candy, parce que on perd pas de vue le fait que ça reste ultra violent de base. Voilà, un subtil crossover entre Knock Loose, Code Orange et même Converge. Voilà, à découvrir de toute urgence si vous ne connaissez pas. En doublette, donc déjà avec ce gros pavé qui est le nouvel effort de Candy, on va retrouver Ulcerate, trio qui nous vient de Nouvelle-Zélande. C'est le 7e effort studio qui vient de sortir, ou un peu plus de 20 ans d'existence. Un pavé plutôt généreux, hein, 60 minutes de musique pour 7 compos. Ça demande du temps pour le digérer. On est toujours sur un death dissonant, avec des relents un peu black, quasi expérimental. En termes d'étiquette, on peut même lire parfois du post-death metal, des passages atmosphériques, presque contemplativo-hypnotiques. Ça permet de bien aérer ce nouvel effort studio de Ulcerate, et ça reste toujours aussi riche et inventif à découvrir également de toute urgence, hein, un titre que Candy. Ces derniers, on va s'écouter le morceau Short Circuit, extra album It's Inside You, une sortie Relapse Record, une sortie début mur morti, Ulcerate, le morceau To Flow Through Ancient Earths, extra album Cutting the Throat of God. Le nom de l'album parle de lui-même, c'est parti. Fight, fucking show. Yes, your death, short, circuit. Fight, fight, On entre tout de suite dans l'aspect française et pour autant on va pas forcément ralentir le tempo, vous êtes toujours à l'écoute d'Hellbanger, l'émission métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. Incipient Chaos nous permet d'ouvrir cette spé française et du coup c'est au passage la première nouveauté dans l'aspect hexagonal. Incipient Chaos, c'est du black, ça nous vient de Nantes, active depuis 10 ans, la formation vient de sortir son premier album studio. Avant ça on a eu deux EP et un split et on est sur un black plutôt violent et intense. 7 morceaux qui font 5 à 10 minutes chacun, c'est parfaitement maîtrisé et bien exécuté, des thématiques mystiques, occultes, parfaitement retranscrite en musique, Incipient Chaos, voilà la classe du black metal français. Contrefeu, ensuite, groupe bordelais qui nous fait du post-hardcore, un peu screamo, ça va chercher dans les inspirations à la sauce Bird in Row par exemple. C'est pas la première sortie studio, c'est le premier EP, faisant suite à l'album qui a vu le jour en 2020. 5 titres en français pour une douzaine de minutes, c'est expéditif et bien viscéral. Au niveau des morceaux choisis, Incipient Chaos, le morceau Crumbling Bones, extrait de l'album éponyme Incipient Chaos. Contrefeu, papier carbone, extrait de l'EP, la morsure, c'est parti. We'll be right back. Doublette suivante, toujours dans l'aspect hexagonal, Mandibula, tout d'abord, formation de death metal avec des membres qui nous viennent des cinq coins de la France. Un EP a vu le jour en 2020, et là c'est le premier véritable album studio qui vient de sortir, 7 titres pour 20 minutes d'un death assez pato, cradin, groovy. En termes de référence, ça va chercher du côté d'un Cannibal Corpse ou d'un Two Hundred Stab Wounds. Et voilà, il y a un côté bien old school et dégoulinant, c'est classique, mais c'est ultra bien joué. En doublette avec Mandibula, Deviant, groupe de hardcore metal francilien, actif depuis 5 ans, c'est le premier EP qui vient de voir le jour, après une démo et un petit 2 titres. 5 titres donc pour un metallic hardcore typiquement parisien, presque, on pourrait dire, en termes d'identité. C'est classique, Tough Guy dans l'attitude et ultra efficace. Et une fois de plus, on retrouve Hugo de Warsdop Edbussa derrière le design. Et le visu de l'EP de Deviant est ultra soigné. Au niveau des morceaux qu'on va s'écouter tout de suite, on a tout d'abord Mandibula avec le morceau Crawling Dead, extrait d'album Self-Devorment, enfin de l'EP d'ailleurs. Deviant Dark City, extrait de l'EP du même nom. C'est parti. With them, we don't do much.